Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous, ensemble pour une heure de rock indépendant. On a ce soir au menu du Smith Westerns, du A-Frames, également Chameleons. Et du côté des nouveautés, il y aura du nouveau Michel Clou, également une nouveauté du côté de Primal Scream. Et pour retrouver toute la liste des chansons qui va tourner pendant les 55 prochaines minutes, vous allez pouvoir vous rendre à la fin de l'émission sur le CISM893.ca pour retrouver cette belle liste-là et même réécouter l'émission. On va commencer avec trois nouveautés, comme d'habitude. Ça commence avec The Dodos, qui vont sortir dans environ 2 mois et demi. En fait, le 27 août prochain, un nouvel album qui s'appelle Carrier, et on l'a déjà ici à la station. Alors, ils seront également en spectacle le 26 septembre, si ça vous intéresse, à Montréal, dans le cadre du Festival Pop Montréal. Pour l'instant, je vous fais jouer le premier extrait qui circule sur les internets. Il s'appelle Confidence. Et vous allez remarquer que ça marque peut-être un tournant un peu plus abrasif dans le son du groupe de Dodos. Alors voilà, on écoute ça à l'instant sur les ondes de CISM. Thank you. Thank you. Hit Void de Primal Scream, des vétérans de l'alternative Primal Scream. Ça retrouve sur leur album More Light, qui est sorti au mois de mai en Europe, mais ici en Amérique du Nord, est sorti seulement lundi dernier, le 18 juin. Et le groupe existe quand même depuis 1982. Ils auront connu là, au courant de leur carrière quand même plusieurs changements dans le personnel du groupe, également dans leur son. On remarque là, par exemple qu'ils ont eu une espèce de période un peu plus électronique ou dansante même pendant certaines années, au début des années 2000, et maintenant, depuis quelques années, ils reviennent à un son vraiment plus rock, à mon plus grand plaisir. Et côté changement personnel, eh bien, en 2011, il y a le bassiste Manny qui a quitté lui pour retourner. Il est retourné dans la gang de Stone Roses qui se sont reformés. Et maintenant, le bassiste, c'est Debbie Goog de My Bloody Valentine qui est là dans le groupe. Dans Primal Scream, donc nouvel album que je vous conseille fortement. Autre album que je vous conseille fortement, c'était, en fait, on l'a entendu juste avant, c'était Sunny and the Sunsets, l'album Antenna to the Afterworld, et c'était la chanson Primitive que vous avez entendue. Et ça, c'était encore une fois une nouveauté. On va continuer avec encore du nouveau matériel cette fois-ci en provenance des Torontois de The Danks. On écoute la chanson Experimental sur l'émission, à l'émission, c'est ça, le Terminus. Yes, c'était les Smith Westerners avec My Heart et le groupe de Chicago. Ils sortent un nouvel album, c'est le 25 juin. L'album, il s'appelle, lui, je pense que j'ai oublié le nom de l'album, mais en fait, c'est possible de l'écouter sur le site NPR. Et ça marque, il semblerait en fait que ça marque un virage un peu plus pop dans le son du groupe qui graffinait un petit peu plus, comme on l'a entendu sur la chanson de My Heart, qui se retrouve sur leur album homonyme qui est sorti en 2009. Et également, ils seront en spectacle le 28 juillet prochain à Montréal, au cabaret du Mylan. Donc, on espère qu'ils ramènent un peu de leur son lo-fi pour ce spectacle-là au cabaret du Mylan. Et avant ça, vous avez aussi entendu un autre groupe un peu dans la même veine, c'était Flight, et leur chanson Turns to Blood, et ça avait commencé avec The Thanks et Experimental. Alors, on va continuer maintenant avec un combo. Combo qui va se conclure par Magnetics, les Français de Magnetics avec Mort Clinique. Et maintenant, tout d'abord, on écoute A-Frames avec Négative sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Yeah. OK, maintenant, grand-maman, tu peux enlever les bouchons dans tes oreilles. C'est terminé. Et jusqu'à 22h, vous écoutez l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je suis avec vous, donc, pour encore combien de temps il nous reste? Encore 25 minutes. Venez d'entendre les Français de Magnetix avec Mort Clinique qui se retrouve sur la compilation qui s'appelle Désordre et qui est produite à l'occasion d'une exposition du même nom organisée par le label parisien Born Bad Records. Et ça, c'est une expo qui s'est passée à Paris, qui a eu lieu à Paris en 2011, c'est ça, et qui avait pour thème le rock'n'roll. Donc, on a associé des artistes rock'n'roll comme Magnetix pour cette super compilation qui est disponible sur le Born Bad Records.bandcamp.com, quelque chose comme ça. En fait, la compilation est disponible sur Internet. Et maintenant, on est rendu à la vieillerie de la semaine. C'est The Chameleons, le groupe britannique qui aura connu vraiment comme deux périodes dans son existence. D'abord entre 81 et 87 et l'autre entre 2000 et 2003. Et on va entendre, nous, la chanson Up the Down Escalator. C'est ça, je l'ai eu. Qui se retrouve sur le premier album du groupe, Script of the Bridge, qui est sorti donc en 83. Et ça sera suivi d'une nouveauté du même coin, toujours du Royaume-Uni, Monomyth avec Costal. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission, donc je le disais, Le Terminus. formation italienne In Her High avec la chanson Push Me Down. Ça se retrouve sur une compilation shoegaze italienne également qui s'appelle Nothing Much to Lose. Je crois que c'est produit par, ouais, c'est ça, le label Rayrec, un label italien. Vous pouvez voir ça, rayrec.bandcamp.com. Sinon, avant ça, c'était Monomyth avec Costal. Et c'est sorti extrait plutôt d'un album qui s'appelle King Does This Not Please You, Behold the Power, qui vient de paraître. On va tout de suite retourner en chanson parce que ça passe vite. Maintenant, on va entendre Michel Clou, ancien Diabologum, qu'on a souvent entendu ici à l'émission. Il vient de faire paraître un nouvel extrait, une nouvelle chanson qui s'appelle J'ai peur de nous. Et en fait, c'est accompagné d'une autre chanson que je vais sûrement vous faire jouer dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on écoute « J'ai peur de nous » de Michel Clou sur les ondes de CISM. En se cherchant, on finisse par se perdre. requin tremblait dans la ville Preston Manning. Y'a pas de bar sans karaoké, et les remontants sont des bars hantés, venant des coups des 80 jours dans le grand nord canadien. Ma main m'a mal fait l'amour, je veux qu'une fille me donne un bain. Tu tombes vraiment bien ce soir au vernissage, on pourra être malin. En passant par le Manitoba, on a fait une halte à Winnipeg. On s'est trouvé une place qui sent, j'ai embrassé une Allison. C'était facile dans mon état, avec encore un teint volleyball. Des franco-provinciales en cavale, il fallait nous trouver des drogues. Vous tombez vraiment bien ce soir jusqu'à demain, on va voir la manche. Kurt Cobain, Kurt Cobain, Kurt Cobain. On a détrôné toutes les maladies, je suis un pavé et tu l'es aussi. Nous sommes indolents jusqu'à lundi, c'est dans ce soir que j'investis. Débordant de motivation, comme quelqu'un qui sort de prison. Les vaisseaux sanguins en soif d'action, comme un soldat revenant de mission. Non, s'il te plaît, ferme la porte, pas la porte en deux minutes, il faut qu'on sorte. Garde tes souliers bien dans la cuisine, et tu conquer those, mais tu veux pas des gym. Alec et les mauvaises raisons avec un tremblé. Et juste avant, c'était Michel Clou duo. J'ai oublié de le préciser, avec J'ai peur de nous. En fait, duo parce que Michel Clou maintenant collabore avec Patrice Cartier, qui lui est le batteur dans le projet. Et Michel Clou, lui, chante et joue de la guitare. C'est pour ça que ça sonnait comme deux musiciens. C'est ça, ce sont deux musiciens sur scène et sur disque également. Dans quelques instants, Zika Mendes s'en vient avec L'âme Hi-Fi. Soyez-y. C'est ça, nous, on va se quitter avec la musique de The Multiple Cat, le groupe de Chicago qui vient de sortir son premier album qui s'appelle The Return of the Multiple Cat. Ce sera la chanson Vampire Bats, Mall Rats. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se parle vendredi prochain, 21h. Enfin, soyez-y, vendredi prochain, 21h, pour une autre édition du Terminus. Ciao!